cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Man yaqra al-bab qu'on a étudié ensemble. ماذا أخذنا في درسنا الأخير عند من تفضل درسنا الأخير من الذي يعتقد أن أخيته وغيره ينفعه ويدوره بشيء بسبب هذا الشيء أسخر وإذا يعتقد هذا الأخيت قد ينفعه ويدبره بنفسه هذا شيء أكبر. نعم، أخذنا في درسنا الماضي باب من الشرك لبس والحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فهذا الباب كنا lu ensemble auparavant dans le درس précédent, il est très très important. C'est une قاعدة, c'est une règle. أي الحكم, c'est quoi le jugement de ceux qui accrochent une chose pour se protéger ou pour repousser un mal. وتقدم معنا الحكم أن si pense que هذا الشيء, que ce soit un fil, on a un anneau ou des cheveux ou autre, أن هذا الشيء يرفع البلاء بنفسه, أي cette chose elle-même, elle repousse le mal. فهذا c'est du shirk akbar. Pourquoi c'est du shirk? عند من تفضل لا لماذا c'est du shirk akbar؟ لأنه التعلق لغير الله ولا بس ها يأخذ شيئا ندا غير الله لأن الله عز وجل هو القادر على أن يرفع البلاء أو يدفعه عز وجل. C'est Allah سبحانه وتعالى وحده. فcelui qui pense qu'un autre il est capable de repousser ce mal, فهذا c'est du shirk akbar. On ne parle pas الآن من حيث c'est un سبب ملا. لا, on نقول الآن أن يعتقد أن cette chose, مثلا ce fil, il est capable de repousser le mauvais œil. C'est pas un sabab, là, c'est le fil lui-même. Hada, c'est du shirk akbar. Limadha li'annahu, il n'y a aucun lien entre ce fil et ce mal. Alors, il a une croyance, il a une aqida, il a élevé cette créature, ce fil ou cet anneau, au niveau de Ar-Rububiyya. C'est pour ça que c'est du shirk fil Ar-Rububiyya. Kadalik, c'est du shirk fil Ibadah, limada, li anna kama qala al-akh qalbuhu, ay hada, qui a accroché ce fil, qalbuhu muta'alliqun bi hada al-makhluq. Mahabbatan wa khoufan wa raja'an. Et hada, c'est du shirk fil Ibadah. Amma shirkun asghar, pourquoi on a dit shirkun asghar? Dans le deuxième cas, qui c'est qui nous rappelle le deuxième cas? Tadal? نعم لأنه يعتقد أن هذا المخلوق سبب فقط. أما celui qui repousse le mal c'est Allah سبحانه وتعالى. فإلا pas cette عقيدة في هذا المخلوق أنه ينفع ويضر من دون الله عز وجل. لا. لكن إلى أن croyance أنه سبب. فقلنا أن هذا الشرك أصغر. لماذا؟ عندما؟ لأن السبب لا يدخل في شرعان ولا في قدران. نعم لأنه جعل سببا ما ليس بسبب. لأنه إلى mis une cause في الحقيقة qui n'est pas une cause. لأنه هو sait et croit que c'est Allah سبحانه وتعالى qui donne le bien et qui repousse le mal. لكن il a pensé مثلا que ce fil ou cette main qu'ils accrochent autour de leur cou, elle repousse un mal. هذا العلماء يقولون c'est du shirk أصغر. لماذا؟ لأنه il a donné ou il a mis un sabab alors qu'il n'y a pas de sabab. لا شرعا ولا قدرا. Qui c'est qui nous répète c'est quoi un sabab شرعي et c'est quoi un sabab قدري باختصار. ما معنى السبب الشرعي؟ تفضل. نعم السبب الشرعي c'est tout ce qui est cité في القرآن والسنة en tant que sabab. مثال. نعم مثلا العسل c'est un sabab شرعي il est cité في القرآن فيه شفاء والقرآن إلى آخر. سبب قدري بمعنى. تفضل. ما جاء avec les expériences. نعم بالتجارب. C'est pas cité في الكتاب والسنة لأن ماذا قال الأخ أي يعتقد أنه سنافع. نعم القرآن كذلك سنافع والعسل سنافع. Donc tu peux pas différencier avec هذا الكلام السبب الشرعي من القدري. لا لا ديفيرونس سي كو القدري اي لي باسيتي في القران ولا في السنه لكن الواقع والتجارب ليكسبيريونس سا مونتر كو هذا الشيء سي اوتيل ف طون كو سي با حرام اي سو دوزيام كا طون كو سي با حرام مثلا سي با دو الكول مثلا سي با كلكو شوز كي ابارتي ان اوتر ف اون ا لدرو دو لوتيليزي كوم les médicaments par exemple. Hada c'est un sabab qadari. C'est ça khulasa du bab qu'on a vu qabl. Et il a cité des abwab تحت ou des adilla plutôt تحت هذا الباب. من تعلق التميمة فقد أشرك. فقد أشرك, on peut se poser la question est-ce que c'est du shirk akbar ou asghar par rapport au tafsil qu'on a vu ensemble. S'il y a une aqida que cette chose, cette tamima, une tamima, c'est quelque chose qu'on accroche. Ça peut être un bout de papier, ça peut être un anneau, ça peut être un muhim. Enfin, s'il a la croyance que cette créature, ce fil, cet anneau, yamfa wa yadhur bi nafsihi, hada fil haqiqa, ashraka billahi azza wa jal fil rububiyya, lianna qui sait qui gère hada al-kawm? Qui sait qui donne le bien? Qui sait qui repousse le mal? Qui sait qui guérit? Qui c'est qui guide? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, celui qui a la croyance, elle a une créature, elle peut donner un bien ou enlever un mal, bi nafsiha min dounillahi azza wa jal, fala shak anna hada c'est du shirk akbar. Amma s'il a la croyance, anna hada shay c'est un sabab. Mathalan, ses parents ils faisaient hada, dans son pays ils font hada, et il sait que c'est Allah qui donne, lakin il pense que c'est un sabab. Il pense que c'est une cause. Faqad, hada c'est du shirk asghar. Et le bab qu'on va lire aujourd'hui, والحقيقة, ça va compléter ما تقدم فنقرأ. وبالله التوفيق. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرقى والتمائم. Vous avez remarqué que في هذا الباب deux choses. أولا, il y a une répétition. التمائم. Un cheikh ou l'islam, il va reciter cette mas'ala. Thaniyan, fi hadha al-bab, cheikh ou l'islam, il n'a pas cité le hukm. Contrairement au bab précédent. Le bab précédent, قال رحمه الله من الشرك لبس والحلقة والخيط إلى آخره. في هذا الباب il n'a pas cité le hukm. قال باب ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا؟ Et ça, ça montre فقه الشيخ رحمه الله. لأن الرقى, c'est le pluriel de رقية, فيها تفصيل. Il y a une catégorie de رقية qui est permise, qui est مشروعة, avec le Coran, avec des ad'iyah mashru'a, tout ça c'est permis. Et il y a une catégorie de ruqya avec des alfaz shaytaniyah, ad'iyah billah et d'autres choses. Et cette ruqya, c'est du shirk. فلهذا il a pas cité le hukm لأن المسألة فيها تفصيل. وتستفيد أنت من هذا فائدة عظيمة. أن quand ils font un tafsil, إياك وإياك que tu cites un kalam mujmal. مثلا المسألة فيها تفصيل واحد يدي هذا c'est du كفر أو c'est du شرك أكبر alors que المسألة فيها تفصيل لا quand il y a un تفصيل à faire التفصيل c'est détaillé et il y a des choses c'est pas tous au même حكم même si ça rentre sous le même nom مثلا الرقية t'as une رقية qui est جائزة qui est permise et t'as une رقية qui est interdite enfin on peut pas dire الرقى c'est du شرك أو الرقى c'est pas du شرك لا Cheikh Al-Islam قال ما جاء في الرقى ثم il a cité l'adilla et avec les preuves tu comprendras que telle catégorie c'est du shirk et telle catégorie c'est pas du shirk. On doit faire attention à هذا لأن بعض الناس بسبب الجهل والاستعجال يطلقون بعض الألفاظ وهذا سمين أعظم السبب في الوقوع في الفتن والانحراف أي de ne pas قيد quand il faut قيد أي de ne pas préciser de citer des paroles globales alors que le mas'ala tahtaj ila tafsil et celui qui ne sait pas il dit Allahu a'lam qala al-'allama al-sheikh Salih al-Fawzan hafidhahu Allahu ta'ala hadha al-bab mukmil lil-bab alladhi qablahu ce bab ce chapitre c'est la suite du précédent li'annahu dhakara anwa'an ukhra mukmila at-tama'im تقدمت dans le hadith qu'on avait lu من تعلق تميمة وكذلك ومن تعلق تميمة فقد أشرك et كذلك Cheikh Al-Islam il a cité une autre catégorie الرقى et كذلك هنا il va citer une autre مسألة في التمائم et les choses qu'on accroche التميمة من القرآن est-ce que c'est le même حكم فلا شك أنه لا et inshallah on détaillera هذا ensemble قال لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة أو لبس الحلقة والخيط من الشرك وأما هنا فلم يصرح بل قال ما جاء في الرقى والتمائم وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله أي نعم ففي هذا الباب الشيخ رحمه الله عليه لا بسط الحكم إلى بدي من الشرك لماذا؟ لأنه المسألة تحتاج إلى تفصيل فتستفيد من هذا c'est une فائدة عظيمة أن ceux qui accrochent des choses ils ne sont pas tous au même niveau est-ce que c'est du shirk akbar est-ce que c'est du shirk asghar est-ce que c'est autre c'est pas du shirk لكن il vaut mieux délaisser c'est haram إلى آخره فهذا الباب له تفاصيل et beaucoup d'abwab c'est comme ça on doit faire attention فلهذا العلماء يقولون أن c'est pas tous ceux qui font du kufr أنهم c'est des kuffars c'est pas tous ceux qui font une bid'a أنهم c'est des mubtadi'a il y a des choses qui rentrent en compte فربما deux personnes ils font même le fi'l واحد il a un hukm et l'autre il a un autre hukm هذا c'est مهم أي de connaître تفاصيل الأشياء ثم شيخ الإسلام il a cité حديث أبي بشير قال وفي الصحيح الحديث اللي في الصحيحين شيخ الإسلام رحمة الله عليه أحيانا يدي في الصحيح الحديث اللي في صحيح البخاري أحيانا اللي في صحيح مسلم أحيانا اللي في الصحيحين ورحمة الله عليه هو يقول في الصحيح لكن الحديث اللي dans les deux وفي الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وهذا إلى اليوم بعض الناس يفهم هذا الشيء. أنهم يزكخش autour des bêtes un fil أو un anneau أو une chose. Pourquoi? فكثير منهم c'est en tant que sebeb. Pour eux, ils pensent que cette chose c'est un sebeb pour préserver cette monture min al-ayn ou min al-shar ou min al-dharar. C'est pour repousser le mal. Et كذلك à notre époque, ils font هذا dans leur voiture. Vous avez remarqué que certains ils accrochent un fer à cheval. كثير من المسلمين à cause de leur ignorance ils accrochent une main pour repousser l'ayn. بعضهم ils accrochent une subha. Alors que tout ça, en fait, ça, c'est en aucun cas des causes. Ça repousse pas le mal, mais la cause, c'est pas une cause. Les causes, c'est tawakkul ala Allah. La cause principale, c'est acheter cette monture min al halal, thumma s'efforcer à réciter al azkar. Quand on monte sur une monture, quand on va voyager, c'est ça qui préserve bi'idhnillah azza wa jalla. Wal insan kadhalik il vit ad-dunya. Fal-ibtila hasil. Les accidents ça arrive. La perte d'une monture ça arrive. Fal insan yasbir. Amma al-juhal, vu que ils sont ignorants. Fa rubbama ils pensent que cette chose c'est une cause alors que c'est pas une cause. Et kadhalik bi-sabab ad-dha'f fi at-tawhid wa masail al-qadr. Tout ce qui est lié au tawhid et au destin, ils ne vivent pas vite de dunya. Un homme, ils ne veulent pas être touchés par une épreuve. L'insan, il y a de Allah, mais les épreuves, ça arrive. L'essentiel, c'est salam à tout din. Les voitures, ça se remplace, les montures, ça se remplace. Alhamdulillah. L'insan, il ne s'accroche pas à ça. Ce qui les pousse à faire ce genre de choses, c'est un homme, il s'accroche trop à ce bien. À l'époque, que ça soit les chameaux et la akhira, de nos jours, tout ce qui est voiture. Pardon, ils sont tellement accrochés, non, mais khafoun, ziyad. Alors que c'est quelque chose, mais l'adunya. S'il le perd pas aujourd'hui, il le perdra demain. Cette chose. Wallah al-musta'an. Hadha al-hadith, il est fi sahihayn. Et al-munasaba, elle est wadiha. Anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aura ordonné, la yabqayan fi raqabati ba'ir. Et que aucune bête, il ne laisse une chose accrochée à son cou, que ce soit qilada, que ce soit autre. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, illa qutiat. Et ces choses qu'ils accrochent contre le mauvais œil, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné que toutes ces choses elles soient coupées et on les enlève de ces bêtes. Fa al-munasaba li wadiha. Qala Cheikh Fawzan, hafidhahu Allah ta'ala. المناسبة قال من حيث أنه يدل على أن تقليد الإبل ونحوها الأوتار وما في معناها لدفع الآفات حرام وشرك لأنه من تعليق التمائم المحرمة. ثم الحكم سلام même chose comme le peuple précédent. S'il pense que cette chose elle préserve, elle protège elle-même, c'est du shirk akbar. Si il sait que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, qui guide, qui repousse le mal, il a akhri, lakin il pense que c'est un sebeb, c'est du shirk asghar. Hakika, avec cette qaïda, tu auras des réponses à beaucoup de questions que Wa'ad al-Nas se pose. Sur les mains contre le ayn, sur les fers à cheval, il a akhri. Fahadi al-qaïda, bi'idnillah azza wa jalla, elle te facilite tout ça. Qala, ou an ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qala sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, yaqul inna ruqa, والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه في الصحيحة الشيخ الألباني لو تنتفي وكذلك الشيخ مقبل رحمه الله حسنه في الصحيح المسند donc ce hadith كذلك il est ثابت. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى أن فيه بيان أن استعمال هذه الأشياء المذكورة شرك يخل بالتوحيد. Ces choses, C'est du shirk et ça fait du mal au tawhid. Et on répète shirkun akbar dans un cas, shirkun asghar dans un autre cas qu'on a détaillé kathiran. Vaqiya huna un ishkal qad yaqul qa'il lakin ar-ruqa. Le pluriel de ruqya. Wa nabi sallallahu alayhi wa sallam qal shirkun. Lakin dans d'autres hadiths, un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré annahu la ba's qala bir-ruqa ma lam takun shirkan. Et il n'y a pas de mal de faire al-ruqya, ou wahid, il te fasse al-ruqya, tant que ce n'est pas du shirk. Hadha al-hadith, c'est min al-fad al-umum, il est am, il est global. Inna al-ruqa wa al-tama'im wa al-tiwa al-shirk. Lakin al-ruqa, il y a une précision, anna si c'est une ruqya bil-Qur'an ila akhirah, fassim ashrua. Hadith Abi Sa'id radiyallahu anhu ma'ruf, quand il a fait al-ruqya bi surat al-fatiha, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a approuvé son fi'l. Et beaucoup de hadiths fi ar-ruqya ala kulli hal ar-ruqya huna al-murad ar-ruqya ash-shirkiyya. In ar-ruqa ay ash-shirkiyya wa at-tama'im wa at-tiwala ash-shirk. Amma ar-ruqya al-mashru'a fa li mashru'a. Falihada qala al-Sheikh Salih al-Sheikh hafidahu Allah ta'ala fi at-tamhid wa hadha al-umum khussa الدليل خص الدليل منه الرقى وحدها وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك فيها الشرك وبأن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي عليه الصلاة والسلام نعم النبي صلى الله عليه وسلم يفر الرقية كذلك ويفر الرقية فسنمضخ أن الرقية سي مشروع تنقص بالقرآن بالسنة بالأدعية المشروعة قال فدل الدليل أن العموم هنا مخصوص فليس كل أنواع الرقى الشرك. Donc, al-ruqya, tu as deux catégories. Minha ma huwa shirk, c'est le sens du hadith, huna, hadith ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Wa minha ma huwa mashru'a, ay al-ruqya avec le Qur'an et avec l'ad'iyya, al-mashru'a qui sont cités fi sunna. Qala, wa an abdillah ibn Ukaym, marfou'an man ta'allaqa shay'an, wukila ilayh, rawahu Ahmad, wa at-Tirmidhi. Amma fi hadhihi al-nuskha, y'a pas cette ziyada. من تعلق شيئا نعم إلا سلنسيتي بعد لا على كل حال توسي أدلة إنو بروف أن توسكي من باب التمائم أي لفت دو ساكروشي أن أنو أو أنفي لو أطر pour se protéger d'un mal فتوسا سمين الشرك. Et ça peut être du shirk akbar, ayyadun billah, et ça peut être du shirk asghar, si هذا الشخص يعتقد أن هذا المخلوق هذا الشيء المعلق c'est un sabab فقط. ثم قال الشيخ رحمه الله التمائم شيء يعلق على الأولاد. Vous avez remarqué que son ta'rif il montre que التمائم c'est tout ce qui est accroché, que ça soit un fil, que ça soit un anneau, que ça soit en or, que ça soit en argent, que ça soit quelque chose de très petit, que ça soit quelque chose de plus grand, tant que c'est accroché avec cette aqida, c'est min at-tama'im. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال عليه الصلاة والسلام أن هذه التمائم c'est min الشرك. قال على الأولاد. على الأولاد وعلى غير الأولاد. الشيخ رحمه الله لست الأولاد لأن le plus fréquemment, haoula, ils accrochent ces choses à leurs enfants pour les préserver contre l'aïn. Lakin, même si c'est accroché à un adulte, c'est le même hukm. Qal min al-aïn, lakin idha kana al-mu'allaq min al-Qur'an, farakhasa fihi ba'du salaf. Amma, autre que le Qur'an, taqaddam ma'ana, c'est du shirk. Toutes ces tama'im, ils traduisent par talisman. Enfin, tout ça, c'est du shirk. Billahi Azza wa Jal. Vaqiya, si cette chose qui est accrochée, c'est du Qur'an. Mathalan, ba'aduhum, ils accrochent à leurs enfants, imma une feuille, imma un petit livre avec des versets du Qur'an. Ayat al-Kursi, ou ghayruha. Fashikh, rahimahullah, قال, لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف. Tu as deux mas'ala là. Important pour comprendre هذا الباب. Est-ce que At-tamima min al-Qur'an c'est du shirk amla? Deuxièmement, si c'est pas du shirk, Est-ce que c'est permis amla? Ça peut être interdit et ce n'est pas du shirk. Mais si c'est du shirk, c'est forcément interdit. Voilà, yaltabis alaykum. قال وبعضهم إن شاء الله نقرأ كلام الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ صاحب فتح المجيد رحمة الله عليه في هذه المسألة ديكون فيني هذه الجملة. قال وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه. دونك شيخ الإسلام رحمه الله هنا يدمونتر أن المعلق من القرآن, si cette chose qui est accrochée, c'est du Coran, des versets du Coran, la parole d'Allah Azza wa Jal, فَبَعْضَ السَّلَفِ رَخَّصُوا, ils ont autorisé. فَبَعْضَ السَّلَفِ قَالُوا لَا. قال الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ رحمه الله اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته, كذلك لنود الله, كذلك لزاتخيب الله et les versets du Coran. Muhim, c'est une ayah shar'iyya. Ça peut être, on garde l'exemple, nous, le Coran. فَقَالَ الطَّائِفَةٌ يَجُوزُ ذَلِكَ. Un groupe de savants, ils ont dit, هذا c'est permis. لِمَاذَ لِأَنَّهُ c'est du Coran. Et le Coran, c'est kalamullah, c'est une sifa min sifatih, عز وجل. Donc, c'est pas quelque chose تعلق بمخلوق, لا, القرآن سي كلام الله. فبعض العلماء قالوا من هذا الباب سي جائز, on peut pas dire que c'est du shirk, c'est كلام الله عز وجل. قال فطائفة قالت يجوز ذلك, أما عن الصحابة رضي الله عنهم فلم يثبت عنهم, لأن قال رحمة الله عليه في بداية الكلام يعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين, أما الصحابة يا بعض الآثار عن عائشة رضي الله عنها لكن المعل فيه ضعف, كذلك يا أثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص كذلك فيه ضعف, عن الصحابة رضي الله عنهم ما ثبت شيء, لكن بعض الأئمة نعم يزون دي أنه يجوز. دوزيام قول, وقال الطائفة لا يجوز. دوزيام أبي un groupe de savants ils ont dit لا يجوز, c'est interdit même si c'est من القرآن. قال وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل. الإمام عبد الرحمن آل الشيخ رحمة الله عليه لا رجع هذا القول أنه سينتردي même si c'est du Coran pour trois raisons. La première, قال عموم النهي ولا مخصص للعموم. أولا, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam il est عام. إن الرقى والتمائم, ça englobe toutes les تمائم. فعند بعض العلماء قالوا أن التمائم, le fait de s'accrocher, لا يجوز, que ça soit من القرآن ومن غير القرآن. قال الثاني سد الذريعة, et ça c'est important في الأحكام. Il y en a qui disent qu'il y a le Coran, on ne peut pas dire que c'est du shirk. Non, ce n'est pas du shirk. Mais les ulama, ils ont interdit à ce qui est le shirk. Ça peut ouvrir les portes à du shirk. قَالَ فَإِنَّهُ يَفْضِي إِلَى التَّعْلِيقِ مَا لَيْسَ كَذَلِكَ. صحيح. أن بعض الجهال, écoutez le dars. Écoutez, si vous voulez هذا الكلام, à la fin, on l'écrit. Ou je vous donne la référence. قَالَ أو ما أدري وكنصارتي نعم أن بعض الجهال لو رأوا خاصة عالم أو عالما أو طالبا أو رجلا صالحا أنه لكخش هذه التميمة من القرآن peut-être qu'il différenciera plus هو, ولا شك أنه يبا دير حتى فلان من أهل العلم il accroche des choses. Enfin, pourquoi vous nous dites de ne pas accrocher? Ça aura un peu de char, kébir. كذلك بعض الناس ربما ils vont accrocher du Coran في البداية, ثم avec le temps ils vont accrocher autre, لأنهم ils vont pas savoir faire la différence entre المشروع وغير المشروع. فسد الدريعة, pour fermer la porte, بعض العلماء قالوا c'est interdit, que ce soit من القرآن ou من غير القرآن. C'est le قول الصحيح. الوجه الثالث, la troisième cause, إنه إذا علق فلا بد أن يمتهن. صحيح أنه سي On autorise هذا خاصة عند الأولاد de leur accrocher شيء من القرآن autour du cou فسيمتهن ربما هذا الولد يتوم ربما هذا الولد يدشر cette feuille ربما il fait ses besoins et شيء من النجاة ça touche les versets du Coran فهذا الوجه كذلك للقول على كل حال ces trois points qu'il a cité الشيخ عبد الرحمن رحمة الله عليه فتح المجيد ces trois points ils prouvent que c'est interdit من القرآن ou min ghayr al-Qur'an. Lakin on revient l'an au point qu'on a cité auparavant. Est-ce que c'est du shirk là? Donc la différence entre tamima min al-Qur'an et celle qui n'est pas min al-Qur'an, celle qui n'est pas min al-Qur'an, مثلاً des cheveux ou autre, c'est du shirk. Amma min al-Qur'an, c'est interdit aussi, lakin c'est pas du shirk. قال الشيخ صالح للشيخ حفظه الله تعالى في التمهيد لكن إذا كان المعلق من القرآن فلا يكون مشركا. Non. Mais celui qui accroche Shay min al-Qur'an, on ne peut pas dire que c'est un mushrik. Là, on le conseille de délaisser Hada Shay. Pourquoi? Pour les trois causes qu'il a citées, Cheikh Abdurrahman, rahmatullah alayhi. قال لأنه علق عليه شيئا من صفات الله جل وعلا. Non, لأن ce qui est accroché, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah. On ne peut pas dire que c'est du shirk min hada al-bab. قال فلا يكون قد أشرك مخلوقا لأن الشرك معناه أن تشرك مخلوقا مع الله جل وعلا والقرآن ليس بمخلوق بل هو كلام الباري جل وعلا منه بدأ وإليه يعود انتهى هذا البحث المختصر إن شاء الله لمفيد والخلاصة أنه لا يجوز ممس من القرآن لكن من حيث الحكم الشرعي أسكو سيدو الشرك أم لا فالتميمة من القرآن سيبا دو الشرك ثم قال شيخ الإسلام والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى وغيرها الرقية سيبغمي قال النبي صلى الله عليه وسلم وغبة الحديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا يا pas de mal في الرقية tant que c'est pas du shirk ça nous montre que الرقية سيبغمي ce qui est interdit c'est الرقى الشركية قال والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته نعم هذا تفسير ابن مسعود رضي الله عنه كما عند الحاكم ابن مسعود إلى إكسبليكي رضي الله عنه التولة أنه سي quelque chose qui s'accroche pour que l'homme il aime sa femme أو la femme elle aime son homme وهذا كذلك la même chose إذا اعتقد أن هذا الشيء سبب فسد الشرك أصغر يسي ك توسى بيد الله عز وجل الله يغبخش كي إذ سبحانه إي سي بونس ك هذا الشيء لوي ميم إيفا ميت دو لامور دون لو كير دو سيت فام بور سون ماري أو العكس فهذا سد الشرك أكبر أما الذهاب إلى الصحراء بور سيت شوز إون لافي في نواقد الإسلام العلماء اللي أبل الصرف والعطف فهذا تقدم معنا في نواقد الإسلام ويأتي إن شاء الله تعالى في باب السحر dans ce livre شيخ الإسلام il a cité un chapitre في السحر أما هنا التولة c'est quelque chose qui est accroché pour cette cause et في الحقيقة التمائم ça englobe التولة cette chose qui est accrochée que ça soit pour emmener un bien repousser un mal quel que soit ce bien quel que soit ce mal quelle que soit la chose accrochée c'est du shirk. On a un cas, التمائم من القرآن. C'est pas du shirk, لكن vaut mieux dire c'est bel, الصحيح لا يجوز. ونعم. ثم الحكم. Est-ce que c'est du shirk أكبر ou أصغر? تقدم معنا par rapport à la نية de celui qui accroche cette chose. هذا خلاصة هذا الباب. Et on va lire كلام الشيخ سعدي رحمة الله عليه. Il est مفيد. قال وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من هنا قرأ من هنا. قال وروى أحمد عن رويفع نعم هذه النسخة كجيس بالامام نقرأ لمام كتاب كلبوتخ أحسن قال وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنج برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه هذا الحديث كذلك صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: مناسبة الحديث للباب فيه النهي عن تقليد الأوتار لدفع المحذورات وأنه شرك، لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله كما تقدم. Tout ça, c'est le même hukme qu'on a vu auparavant. قال وعن سعيد ابن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذه الآثار ضعيفة، فيها ضعف، لكن أثر سعيد ابن جبير رحمة الله عليه إلى صحيح عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه رأى إنسانا يطوف بالبيت في عنقه خرزة فقطعها. الصحيح أن سعيد بن جبير رضي الله عنه il a vu un homme faire le tawaf autour de la Kaaba et autour de son cou il avait quelque chose d'accroché. Il lui a arraché رحمة الله عليه. الإسناد إلى صحيح. أما عن إبراهيم كذلك الأثر كلا سيتي شيخ الإسلام فيه ضعف، وثبت عند ابن أبي شيبة كذلك في المصنف أنه كان يكره المعاذة للصبيان، يقول: إنهم يدخلون به الخلاء. نعم. Et ça ressemble à أثر كلا سيتي شيخ الإسلام. على كل حال هذا الباب الشيخ سعدي رحمه الله إلا résumé avec un كلام نفيس جدا dans son charh fanaqra. Et c'est le résumé de tout ce qu'on a vu. Enfin, si vous n'avez pas compris quelque chose, inshallah, avec hadha al-kalam, ça sera plus clair. Qala al-allama al-shaykh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah. Babu ma ja'a fi al-ruqa wa al-tama'im. Amma al-tama'imu fahiyya ta'aliqun tata'allak viha qulubu muta'alliqiha. والقول فيها كالقول في الحلقة والخيط كما تقدم. Donc tout ce qui est accroché, que ce soit من التمائم أو حلقة نانو أو خيط une ficelle ou autre, ça a le même حكم qu'on a cité auparavant. شرك أكبر, si l'insan il pense que cette chose elle peut repousser un mal elle-même, هذا c'est très très grave. Il y en a celui qui est capable de repousser le mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Shirkun asghar, si il a l'aqida en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui repousse le mal, lakin il pense qu'accrocher cette chose, c'est un sabab. Fahada, fi hadha al-hal, plutôt c'est du shirk asghar. Hadha taqaddam. Qala faminha ma huwa shirkun akbar, kallati tashtamil ala l'istighatha bi shayatin, aw ghayrihim min al-makhlouqin. فالاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك كما سيأتي إن شاء الله. Cette masala on verra. أما كتاب une feuille où فيها عياذ بالله شرك أكبر. Des feuilles مثلا بعضهم ils accrochent à leurs enfants et ça c'est lié beaucoup à la sorcellerie. فيها استعاذة بالشياطين. والاستعاذة c'est une عبادة. هذا c'est du شرك أكبر وهذا إن شاء الله سيأتي. قال ومنها ما هو محرم كالتي فيها أسماء لا يفهم معناها لأنها تجر إلى الشرك وهذا سيتخي غاب. وبعضهم إذا كخش على غزان فان أطر إن أن بتي كتاب سيبا دي قرآن تقدم معنا الناس سيدي قرآن سيبا دي الشرك لكن يفو إيفيتي certains de ces كتيب des petits livres c'est du shirk واضح. Tu as un troisième cas, et c'est ce qui vient de citer Cheikh Abdurrahman, rahmatullah alayh, anna al-kalam, il est réellement fahoum. Et hada, fil haqiqa, c'est une porte ouverte au sihr. Fal insan yattaqillah. Et fil haqiqa, hada, ça contredit notre din, et notre din l'a interdit hada, wa kada alayk, fil haqiqa, ça contredit la raison. Comment accrocher une chose, et celui qui a accroché ce petit livre, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. هذا في الحقيقة c'est من السفاهة. لكن بعض الناس tellement qu'ils sont accrochés à la dunya, tellement qu'ils ont peur de la pauvreté, tellement qu'ils ont peur de la maladie, et tellement qu'ils se sont écartés du din, ils s'accrochent à ce genre de futilité. تعلمون أن بعضهم ils accrochent des cheveux Il est où le lien entre un cheveu ou des cheveux et repousser un mal ou te procurer un bien? Il n'y a aucun lien. Le mu'min, il demande à Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il est ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, yuhib. Il l'aime quand on lui demande. Falimada, s'accrocher à des choses futiles. Ba'dhum iyadun billah, ils accrochent najasa, des choses impures. Tout ça pour se protéger. Et on répète, hadi dunya dar bala. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été touché par du sihr. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été blessé dans certaines batailles. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été éprouvé, il a été chassé de sa ville natale, Mecca. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été touché par la pauvreté. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a subi al-hisar, al-ahzab, al-madina. Et ils ont goûté, alayhi sallatou salam, et ses compagnons, radiyallahu anhum, à la fin. Dunya. Lakin, ba'danaz, vu que tellement qu'ils s'accrochent à ces dunya, ba'danaz, ils sont fichés, et tellement qu'ils ont peur d'être touchés par un mal, ils utilisent ces choses. Et en fait, ces choses, c'est la cause de. Du, la cause de l'égarement fi dunya ou fi l'akhira. Fal insan yattaqillah. Celui qui est à la khair, yahmadillah. Celui qui est touché par une épreuve, il est patient. Ya akhi, si t'es malade, demain ça ira mieux. Si ton enfant il va pas bien aujourd'hui, inshallah il ira mieux demain. Et la fin de tout, ça sera le maut. Lakin, ash-shaytan il égare à l'aïbad. Et la cause principale, c'est quoi? Al-jahlu bihad al-tawhid. C'est pour ça que hada al-kitab il est nafi' jiddan. Il est nafi' jiddan et la communauté elle a besoin de hada, elle n'a pas besoin d'autre chose pour l'instant. Enfin, n'écoutez pas Al-Kadhaboun qui prétend que la communauté elle est faible et annahu yakada kada, c'est du kadib. La communauté elle est faible, les mada, les annahu on a des problèmes via hada. Comme minan nas l'an, fi hadi l'umma, dans notre communauté, minan muslimin, ils s'accrochent des choses à leurs enfants, sur leurs voitures, dans leurs maisons. Comme min aqaid shirkiya, khurafat, khuza'balat, أصابت المسلمين على طريق دي الشوز في الحقيقة هي أكين دليل من القرآن ومن السنة وكذلك لغزن الغجت ست شوز الله مستعان. قال الشيخ سعدي رحمه الله وأما التعاليق التي فيها قرآن أو أحاديث نبوية أو أدعية طيبة محترمة فالأولى تركها. ساسي من كاتيغوري أي de مثلاً, si on prend toujours un petit livre qui est accroché lakin avec des versets du Coran, avec des hadiths du prophète sallam, avec des ad'iya, هذا c'est pas du shirk lakin il faut s'écarter. لماذا؟ لأن ces choses c'est un sebeb pour shiva. C'est pour ça qu'on peut pas dire que c'est du shirk, c'est sebeb de shifa al Coran, lakin la façon de faire elle est pas légiférée. Les Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, ils n'ont jamais fait hakada. Pourtant, ils avaient des enfants malades et ils avaient besoin de ruqya dans certains cas. Ils n'ont jamais appliqué un ruqya de cette façon. On délaisse falihada, qu'a le Cheikh Sa'di, fal-awla tarkuha. Qu'a li'adam urudiha an shari'a wa likawniha yatawassal biha ila ghayriha min al-muharram. Vous vous rappelez des points que Cheikh Abdurrahman, le Cheikh, il a cité fi Fath al-Majid, et Cheikh Sa'di les a résumés ici. Naam, ça peut ouvrir la porte à un autre mal. Ils font plus la différence entre ce qui accroche le Coran ou minerai le Coran. Et ça se mélange. Ces petits livrets, ils sont fermés. Et personne ne sait ce qu'il y a dedans. Illallah subhanahu wa ta'ala, et celui qui l'a accroché. Il voit un frère avec cette chose accrochée et il ne fait pas la différence. Ça ouvre les portes au sihr et autre chose. C'est haram. Sed. ذرائع المحرمات بل هنا الشرك سمن أهم المهمات. Fermer la porte, c'est, ça fait partie des fondements de notre dîn. Il y a des choses, c'est pas haram clairement, مثل هذه المسألة. Il y a un ce qui accroché c'est du Coran, c'est un sebeb shar'i, لكن si ça pousse un mal, خاصة un mal énorme هنا الشرك, et كذلك la porte de la sorcellerie, la akhira, بعض الناس ils vont tout mélanger. On a une règle, un fondement dans notre dîn, il faut fermer les portes. قال ولأن الغالب عن متعلقها أنه لا يحترمها. أي واحد peut rentrer aux toilettes avec ce kitab فيه قرآن أو les enfants ربما ils jouent avec أو ils le déchirent أو تمسه نجاسة une impureté إلى آخره. Les points qu'il a cités, Cheikh Abdurrahman, في فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن هنا في شرح كتاب توحيد يسمع بورتون قال ويدخل بها المواضع القذرة قال أما الرقى ففيها تفصيل فإن كانت من القرآن والسنة والكلام الحسن فإنها مندوبة في حق الراقي لأنها من باب الإحسان ولما فيها من النفع si c'est du Coran الرقى كذلك أدعية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أنه من الإحسان وهي جائزة في حق المرقي donc c'est permis au raqi celui qui fait le ruqya et le marqi celui qui va recevoir les deux c'est permis pour eux إلا إنه لا ينبغي أن يبتدي بطلبها فإن من كمال التوحيد من كمال توحيد العبد أو من كمال توكل العبد وقوة يقينه أن لا يسأل أحدا من الخلق لا رقية ولا غيرها et cette مسألة تقدمت معنا au début du livre أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن 70,000 من هذه الأمة يغنطخون في الجنة بغير حساب والعذاب من هم؟ قال الذين لا يسترقون ceux qui demandent pas الرقية فالمسلم il évite de demander كما قال الشيخ سعدي que ce soit الرقية ou autre on avait fait une kalima ensemble ولله الحمد ذموا المسألة أي le méfait de demander aux autres de mendier que ce soit الرقية que ce soit de l'argent لماذا؟ لأن في الرقية سمطر ضعف في التوكل et par rapport à l'argent et l'akhirah c'est une source d'humiliation فالإنسان s'habitue à ne rien demander aux autres tant que alhamdulillah il est في حال طيب أما الضرورة c'est autre chose et حتى في الضرورة il évite de se faire humilier فهي demande à des proches et كذلك il respecte ses engagements فسي demande maintenant une dette il fait tout pour la rembourser وهكذا حتى يفرم les portes du شر قال بل ينبغي إذا سأل أحدا أن يدعو له أن يلحظ مصلحة الداعي والإحسان إليه بتسببه لهذه العبودية له مع مصلحة نفسه وهذا من أسرار تحقيق التوحيد ومعانيه البديعة التي لا يوفق للتفقه فيها والعمل بها إلا الكمل من العباد ça c'est un haut niveau في التوحيد فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم il a cité cette récompense énorme أن ceux qui demandent rien حتى الرقية alors que c'est permis لكنهم ne demandent pas لماذا لأنهم يتوكلون على الله ça ne veut pas dire on répète qu'ils ne font pas الرقية لا فلهذا من الفوائد هنا c'est que tu te fais الرقية à toi-même tu récites الفاتحة tu récites المعوذتين إلى آخره Alhamdulillah, si tu te fais ruqya toi-même, il y a un fadl azim. Et si quelqu'un te propose, il te l'a fait. Alhamdulillah, mal à demander. Fal-afdal, c'est de délaisser. قال وإن كانت الرقية يدعى بها غير الله ويطلب الشفاء من غيره فهذا هو الشرك الأكبر. Et هذا سيأتي معنا في باب الدعاء. أي invoquer autre qu'Allah. أما واحد qui demande au djinn, عياذا بالله. أو il demande au mort. أو il demande à tel wali qui a été enterré il y a des siècles va hada c'est من الشرك الاكبر لماذا لان الدعاء هو العباده كما قال صلى الله عليه وسلم قال لانه دعاء واستغاثه بغير الله فافهم هذا التفصيل واياك ان تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها في اسبابها وغاياتها نصيحه جميله الى conclu هذا الباب اياك الى دي اي attention Attention de ne pas mettre toutes les ruqas au même niveau. Là, les anna minha ma huwa haram, minha ma huwa mashru'a. Et en haqiqa, cette nasiha, nous, on doit l'appliquer dans tous les domaines. Ne pas mettre une chose qui est à plusieurs niveaux en un seul niveau. Une chose qui est en tafsil des détails, on laisse al-kalam mujmal fiha. Tout ça, c'est à la cause des fitnes. فعن غيبت إياك أن تحكم على الرقى بحكم واحد مع تفاوتها c'est pour ça que دائما ننصح الإخوة de revenir à أهل العلم لأننا نحن dans كثير من المسائل on a des manques بعضنا يكون مثلا ce sujet أو تل مسألة ثم si on bascule dans une autre مسألة on ne connaît pas et أحيانا les مسائل elles sont liées فلهذا بعض الأحيان تنتظر فخير parler في بعض الأحكام avec un كلام il y a un manque كبير Pourquoi les anoum, ils n'ont pas tous les outils. Amma al-ulama, fa'ilmuhum il est wasi' wa lillahi alhamd, khasatan fi hadhihi al-masa'il, fa ils connaissent l'adilla. Et ils connaissent le masa'il avec tout ce qu'elle renferme. Fa li hadha, leur hukm wa lillahi alhamd, en général, il est sawa. أما الجاهل لا، ربما إلى لو أحاديث. تأمل معي لو أن جاهل ليس حديث إن الرقى والتمائم والتول الشرك إلى لو كس حديث في هذا الباب. ثم il entend de ses frères dire maintenant je veux faire ruqya à ma mère. فهو ربما il va comprendre أن فعل الأخص du الشرك لأن يا حديث إن الرقى والتمائم والتول الشرك. لماذا؟ لأنه il a lu que ce hadith. C'est pas que ce hadith il a été spécifié par un autre. لا بأس بالرقية. Il n'y a aucun mal بالرقية. Tant que c'est pas du shirk, tu comprends. أن le premier hadith المراد به c'est الرقى الشركية. Et كم من مسائل هذا الباب. C'est pour ça que revenir à أهل العلم c'est مهم. C'est pour ça que faire des études في طلب العلم c'est مهم. C'est pour ça qu'un sujet أخي الكريم si tu veux le comprendre ça suffit pas une simple lecture ou lire un dalil فقط. لا. Il y a des sujets مثل الرقية si tu veux comprendre il faut rassembler l'adilla من القرآن من السنة أقوال أهل العلم. Et tu t'apercevras que faire الرقية il y a des shurut. Tu t'apercevras que faire الرقية il y a des choses makruha, il y a des choses interdites, il y a des choses recommandées. وهكذا كذلك هذا الباب في الحقيقة أي ما يتعلق بالرقى. À notre époque il y a beaucoup de مخالفات في هذا الباب. On ne parle pas à Ruqa al-Shirkiya. Al-Shirkiya, c'est du shirk. Là, on parle à Ruqa al-Mashru'a bil-Kitab. Bil-Kitab Allahi Azza wa Jal, il y a beaucoup de mukhalafat. Ba'aduhum, ils se mélangent. Ba'aduhum, iyadun billah, ils font Ruqa des femmes. Et ça cause des fitaines. Ba'aduhum, ils ont ouvert des magasins. Ou plutôt, ils ont fait de la Ruqa un commerce. Et fil-haqiqa, ça fait beaucoup de fitaines. Fala'alla. On essaiera de traiter ce sujet dans une kalima un dimanche. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نكتفي بهذا القدر pour ce premier darf. Réviser هذا الباب, c'est la suite du premier. Et inshallah, à partir de jeudi, on commence le bab suivant.